infatigable, fatigant de la course contre la montre, éjecte une heure. Infatigable, fatigant de la marche déglobée, éjecte une lueur. Aperçu, apercevant la chrysalide de mon insecte à mon corps défendant. Aperçu, apercevant la beauté du monstre qui compte et décompte. On marche, on hésite, on s'arrête, on marche, on recompte la démarche écrabouillée. À mon biorhythme, j'écris le casse. Je trace la danse, je m'assois, j'hésite, faut-il recommencer? Aperçu, la beauté du monstre qui compte et décompte. On hésite, on s'arrête, on marche, on recompte. On marche, on hésite, on s'arrête.